fou de palmarès. 89.1. Bienvenue à la portion mishmash des palmarès, c'est fou, je m'appelle Mathieu Plante. Tania Bonnet va être de retour dans la prochaine édition. La portion top 10 est toujours absente de cette deuxième portion. Malheureusement, Tania a un cours cet automne. Donc c'est la semaine du 18 au 24 septembre 2017 et la portion mishmash, qu'est-ce que c'est? Ben c'est ce qui est entre le reste, donc c'est pas le top 20, c'est pas le top 6, c'est pas le top 5, c'est le reste. Donc on va entendre ce qu'on n'a pas pu entendre précédemment et quelques chroniques accessoires. Donc aujourd'hui dans l'émission on va avoir entre autres la chronique C'était fou, le petit segment nostalgique, musical. On va retourner en 2001, entendre ce qui était au sommet pendant l'année au complet du côté anglophone plus tard dans l'air. Aussi on va avoir Palmerist in Peace, où on va dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés depuis je crois que c'est le mois d'août, si je me souviens bien. On a deux palmarès complets à parcourir en termes de pièces qui nous ont quittés, mais on va débuter avec des pièces qui ne font pas partie de notre top 10 ou 5 ou 20, donc des pièces au hasard un petit peu. On va entendre les 13, 12 et 11 anglophones ainsi que la 11e francophone, mais tout ça dans le même bloc. Donc on va entendre plus tard l'impératrice de Franklin Electric ainsi que Darren Evil, oui, mais on commence en 13e place à l'essor de la 4e. Voici Hooded Fang et Queen Vagusan del Norte au palmarès C'est fou 89 FM. We'll be right back. insurance coverage, you'll be eating those pills. Thank you. Franklin Electric et Burning Flame, position numéro 11 anglophone qui monte de 3 places. Avant ça, on a entendu en francophone l'Impératrice et Sultan des Îles qui monte de 2 places, 3e palmarès de suite pour eux. Avant ça, en position numéro 12 anglophone, c'était Darren Evil et Exploited qui descendent une place. Et au tout début du bloc, en 13e anglophone, Howdy Fang et Queen Vagusan del Norte. On a sauté par-dessus les deux positions 12 et 13 francophones parce qu'on les a entendus dans notre portion Nouvelles Entrées. Donc on n'y retournera pas. Par contre, parlant de Nouvelles Entrées, on en avait une méchante trollée cette semaine. J'y compte même plus pour vrai. J'avais compté hier 2, 4, 6, 8, 9 en francophone et 2, 4, 6, 7 du côté anglophone. Ça fait pas mal. Et avant ça, on n'avait pas dit au revoir aux pièces depuis le 31 juillet. Donc, la dernière fois qu'on a fait Palmarès in Peace, on avait fait le mois d'avril, mai, juin et juillet. Ça avait pris 10 minutes. Là, il nous reste le mois d'août et la mi-septembre. Donc, un petit montage de 5 minutes de ce qui nous a quitté depuis. Donc, les voici dans Palmarès in Peace. Just mountains of change. Ces pièces qui nous ont quittés depuis le 31 juillet. Ooh. viens regarder avec moi les étoiles tomber. Depuis la période du 31 juillet au 17 septembre 2017, on a débuté avec un premier bloc du 31 juillet au 3 septembre. Françoise a checké out de Coconut Motel avec 4 semaines de présence. 4 palmarès, je le répète, là, mais ça va être des palmarès, non pas des semaines, même si je dis semaines. Catherine Leduc, c'était la fin de la fin ou le début avec 5 semaines. Paupière a fermé l'œil avec Elle et lui qui a duré une semaine. King Gizzard et The Lizard Wizard se sont fait transformer en autre chose qu'une pièce dans les palmarès. Donc Altered Beast 1 et Alter Me 1, ça a duré 2 palmarès. Ensuite, The New Pornographers se sont fait mettre en prison pour leur contravention High Ticket Attraction. Ça a duré 4 palmarès. Amelia Caron a retombé sur Terre, oui, avec Gravity qui a duré 5 semaines. Et Jen Grant s'est envolée vers une autre galaxie, Galaxies, avec 6 palmarès. Ensuite, du 4 au 17 septembre 2017, ça c'était la grosse liste. Plein de pièces, ils ont quitté, c'était dans le deuxième bloc. Donc, Mon Doux Seigneur est retourné à l'âge de pierre avec Primitif qui a duré 3 palmarès. Dilarama, je sais pas, est arrivé dans la saison automnale parce que c'était saison estivale qui a duré 3 palmarès. Rose Fargo a fondu tel du chocolat sous la pluie avec Willy Wonka qui a duré 3 palmarès. Bébé Soleil est allé se coucher avec ses souliers de course, la pièce qui a duré 4 palmarès. Décibel a baissé le volume avec ses yeux secs qui a duré 3 palmarès. Philippe B, ben la pièce c'est explosion, fait je pense que ça a explosé après 4 palmarès. Police des mœurs est allé se coucher avec Bébé Soleil, je pense qu'on chante ensemble. Heure bleue qui a duré 4 palmarès. Lydia Kepinski a repris sa forme humaine avec Andromaque qui a duré 4 palmarès. Off course et bien sûr partie avec Marilyn qui a duré 5 palmarès. Not You a arrêté de nous voir dans sa soupe avec 4 palmarès. Timber a été envoyé à la poste avec Velvet Gloves and Spit qui a duré 2 palmarès. Forgotten Fix, on a fini par l'oublier avec Insomnia qui a duré 2 palmarès. Colorado, ben pas né d'hier mais mort demain je pense. Born Yesterday avec 4 palmarès. Mac DeMarco, c'est fait euthanasier avec This Old Dog qui a duré 6 palmarès. Das Mortal a prouvé que finalement, ben oui, il est bien mortel avec Midnight Rendezvous qui a duré 3 palmarès. Et Walrus a fait naufrage tel un, c'est quoi, c'est un morceau Walrus avec In Timely Fashion qui a duré 1 palmarès. Voilà pour Palmer, Rest in Peace. Un méchant paquet de pièces depuis le 31 juillet jusqu'au 17 septembre. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on a repris le rythme. Donc, on devrait pouvoir entendre les pièces en temps réel à partir de la semaine prochaine. Mais comme on a un petit peu de temps aujourd'hui, il nous reste encore un long C'était fou à faire. Et on va aussi aller fouiller un petit peu de voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Mais comme on a du temps là, dans le présent, allons savourer deux pièces qui nous ont quittés depuis. Donc, on vient d'entendre en extrait dans le montage. On va entendre plus tard The New Pornographers avec High Ticket Attractions. Mais on débute avec Jane Grant. Voici Galaxies tout de suite au palmarès C'est fou. Tricks of time, out on the road, screaming like my lungs on fire. Do you see me laughing with my love? I thought I'm made of everything that's in a tie. Why aren't we made of crisscrossing out of luck? Tears keep falling, I say my dreams are out of touch. For us, my baby keeps me on the good stuff. On the spirit, hopped up and listed. The New Pornographers et High Ticket Attractions, précédé de Jen Grant et Galaxies dans le bloc. Palm Rest in Peace. On s'est gâté avec deux pièces au complet qui nous ont quittés depuis les dernières semaines. Deux de mes préférées dans le groupe, il y en avait vraiment beaucoup. Maintenant, on continue et déjà, une autre chronique. Oui, c'est chronique par-dessus chronique. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de temps devant nous. Donc, avant de faire ailleurs dans les palmarès et aller découvrir un petit peu le top loud, on va retourner dans le passé avec le segment C'était fou. C'était fou, on recule en arrière et cette fois-ci on recule en 2001. Vous savez que c'est le 20e anniversaire de C'est fou cette année, donc depuis 1997. Je sais que c'est l'anniversaire, le 20e anniversaire de bien des affaires en ce moment, mais entre autres, c'est fou. Donc on s'est dit qu'on allait vous passer des pièces du passé hein, pour commémorer au moins un petit peu l'occasion. Et on n'a pas de palmarès avant 2001, comme j'ai dit la semaine passée. On faisait pas mal ça sur le coin d'une table avant, mais à partir de 2001, on a des traces. Donc j'ai pris la rétrospective de 2001 et la semaine passée, on a joué le top franco. Donc on a joué entre autres du Visible Wind avec Maniacury. On a joué Vulgaire Délit avec Fais voir ta chatte qui était vulgaire à souhait. Cette fois-ci, dans le top anglo, on va entendre le top 3 au complet et ça va être un méga gros bloc. On va entendre Opeth avec The Drapery Falls sur l'album Blackwater Park. Après ça, on va entendre Rammstein avec Link 234 sur l'album Mutter. Et on va terminer tout ça avec le numéro 1 qui était Buck Cherry avec Ride In sur l'album Time Bomb. Mais on débute avec Opeth dans le bloc C'était fou. Au palmarès, c'est fou! Please remedy my confusion and cross me back to the day. The silence of your seclusion brings night into all you say. Eternal hour, drown visions in haunted sleep. Faint flickering of your power leaks out to show what you. I'm

C'était le top 3 de l'année 2001 dans le bloc. C'était fou, les parents. C'est fou, on vient d'entendre Buck Cherry et Ride In sur l'album Time Bomb. Avant, c'était Rammstein et Link 234 sur l'album Mother. Et on a débuté avec la très longue pièce de Drapery Falls. Voyons, The Drapery Falls, c'est pas si difficile à dire que ça. Sur l'album Blackwater Park de Opeth. Voilà pour le bloc, c'était fou. Et maintenant, on transitionne très rapidement parce qu'il nous reste très peu de temps au segment Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, c'est ailleurs dans les palmarès! Ok, oui, c'est ailleurs dans les palmarès. On regarde ce qui se passe un petit peu ailleurs dans les palmarès. Donc, pour ceux qui savent pas, les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 5 franco, top 20 franco, pardon. top 20, on ferait pas long avec ça. Hein. Top 20 franco, top 20 anglo, c'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des canadiens, un top 10 loud. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, donc pour le même bloc, la semaine passée, on a fait le top 30 des albums. Alors, on va y aller dans le top loud tout à l'heure. Mais commençons quand même par le top 30 des albums en vous mentionnant les nouvelles entrées. Donc, en 20e place, Band Sinister avec The Other Way EP. En 19e, Gogol Bordello et Seeking and Finders. En 18e, 18e Always et After Socialites, en 17e Raised on TV avec Season 1, en 16e The Andy Kaufmans avec Maggie et en 15e place c'est Woolworm avec Deserve to Die. On a tout entendu ça dans la portion nouvelles entrées de l'émission. Ensuite, dans le top 3, des disques canadiens, en 3e place c'est White Horse avec Panther in the Dollhouse qui descend d'une place. En 2e, ça descend aussi d'une place Daniel Romano avec Modern Pressure. Et je ne vous dirai pas qui est en première place pour révéler des punchs. Dans le top 10 Loud, on a 3 nouvelles entrées. En 9e, on trouve EPK avec l'album The Solace System. En 6e, c'est Arch Enemy avec Will to Power. Et en 4e place, Motorhead avec Undercover. En 3e place, ça descend de 1, Venom Inc. avec AV. En 2e, ça monte de 2, Outrage avec Buried Pieces. Et en 1ère place, c'est stable. 2e semaine de présence pour Accept avec The Rise of Chaos. On a le temps pour entendre une seule pièce dont j'ai choisi. En fait, Alain Lefebvre de Rock Classique nous a choisi. Une pièce de The Obsessed. Donc, on s'en va entendre ça. C'est en position numéro 8. L'album s'appelle Sacred et l'extrait est Razor Wire. Tout de suite dans les palmarès, c'est fou. The Obsessed avec Razor Wire sur l'album Sacred, position numéro 8 dans le top 10 Loud. C'est tout pour cette édition des Palmarès C'est Fou, édition mishmash. On se retrouve du lundi au jeudi entre midi et 13h, donc demain pour certains et dans quelques instants pour les gens qui écoutent la rafale du samedi à partir de midi. Cif.ca, assemblagerockey.com. Passez une belle journée. Bye bye.